Pour vous permettre de continuer à écouter les petites histoires gratuitement, nous faisons appel à des sponsors. En écoutant leurs messages publicitaires, vous nous permettez de continuer à imaginer des tas d'histoires. Merci de votre soutien. Et si vous ne voulez plus entendre de publicité, rendez-vous sur patreon.com/lph. patreon.com/lph. La langue française est pleine de dictons pas toujours faciles à comprendre. Mais vous allez pouvoir percer leurs secrets grâce à la nouvelle collection de livres Happy Meal, écrit par Éric-Emmanuel Schmitt et illustré par Caroline Piochon. À chaque fois, vous serez embarqué dans des aventures incroyables. Ma préférée, c'est celle de Nicolas et l'hirondelle Voltigette, deux inséparables amis. Sauf que Voltigette s'en va passer l'hiver au chaud en Afrique et ne reviendra qu'au printemps. Est-ce que les deux amis arriveront à patienter si longtemps? Pour le savoir, rendez-vous dans votre restaurant McDonald's et choisissez le livre à la place du jouet. Durée limitée, un livre ou un jouet par Happy Meal, voire le livre du moment au restaurant. Et maintenant, place à votre petite histoire. Les petites histoires, petites histoires. Les petites histoires. Les petites histoires de Telming. Coucou les enfants. Aujourd'hui, Karine et Arnaud vont vous raconter les histoires du cimetière. Une histoire écrite par Cécile. Bonne écoute. Et c'est comme ça que j'ai appris que les pieuvres n'avaient pas un, pas deux, mais trois cœurs. C'est dingue, non? Oh mince, j'avais pas vu l'heure. Ça va fermer. À la semaine prochaine, papy. Je te laisse, allez, trois caramels, tes préférés. Mais tu les manges pas d'un seul coup, hein? Le sourire aux lèvres, Oscar s'éloigne de la tombe en trottinant. Un enfant qui quitte un cimetière tout seul et en souriant, en plus, c'est quoi cette histoire? Eh bien, c'est celle d'Oscar et de son papy Jacques. De son vivant, papy Jacques et Oscar avaient l'habitude de se retrouver chaque mercredi pour leur grand concours d'histoires vraies. Le but? Raconter à l'autre le récit le plus incroyable, du genre à vous laisser la bouche ouverte pendant tellement longtemps qu'il faut presque faire attention à ce que les mouches ne tombent pas dedans. Mais attention, elle devait tout être vraie, sinon c'était de la triche. Un jour, papy Jacques raconta une histoire si triste et si injuste qu'Oscar se sentit bouillir de colère et de peine. C'était l'histoire d'un vilain cancer qui avait posé ses bagages dans les poumons de papy Jacques. Le démon se sentait chez lui, si bien qu'il s'était répandu partout à une vitesse incroyable. Il n'y avait rien à faire. Oscar était prêt à répliquer, mais la faim le prit de court. « Tu sais ce qui va le plus me manquer ?»« Les caramels au beurre salé ?»« Oh, oh, ça oui. Mais surtout, notre concours. » Toutes ces histoires incroyables, elles permettent de se sentir vivant. Alors, j'ai une chose à te demander. C'est quoi? Quand je ne serai plus là, tu pourras venir m'en raconter au cimetière? Ben oui, promis juré, poil au pied. Une promesse est une promesse. Alors, depuis que papy Jacques est mort, tous les mercredis, Oscar vient sur sa tombe lui raconter ses plus grandes trouvailles. Maintenant que vous savez, retrouvons Oscar le mercredi suivant. En s'approchant de la tombe de papy Jacques, Oscar a une surprise. La tombe d'à côté, celle qui lui donnait des frissons tellement elle était triste et délabrée, comme si un zombie en était sorti, est remplacée par une tombe toute neuve, avec une jolie couronne de fleurs jaunes, rouges et bleues, posée en plein milieu. « T'as un nouveau voisin, papy, t'as vu? Il s'appelle Edmond, c'est écrit sur sa plaque. Sa tombe est toute brillante. » Ça change de celle de film d'horreur qu'il y avait avant. Par contre, il n'y a presque pas de fleurs dessus. C'est bizarre. Toi, t'en avais plein. Bon, alors, accroche-toi cette fois parce que j'ai une histoire formidable. Ouais, parce que c'est l'histoire d'une vache pas croyable. Alors, elle s'appelle Yvonne, mais comme toutes ses copines, elle devait finir à l'abattoir. Sauf qu'elle n'avait pas du tout envie de finir en steak haché. Alors, un jour, pouf, elle a disparu. Ni vu, ni connu. Les environs de sa ferme ont été passés au peigne fin, comme dans les films quand il y a un prisonnier qui s'échappe. Ils ont retrouvé des traces qui les ont menés dans la forêt voisine. Et après, plus rien, plus une trace. Ça rendait les gens zinzin. Une vache ninja, ça n'existe pas. Les fermiers, les policiers, tout le monde était tellement désespéré qu'ils ont ramené un taureau en se disant qu'Yvonne allait tomber sous le charme. Tu parles, elle s'en fichait royalement. Tout ce qu'elle voulait, c'était ne pas finir en hachis. Au bout de 98 jours, sans qu'on sache vraiment pourquoi, elle a fini par rentrer. Peut-être que ses copines lui manquaient. En tout cas, face à tant de courage et de détermination, son fermier a décidé de lui offrir une retraite tranquille dans son pré. C'est fou, non ? Les mercredis filent, et avec eux les histoires défilent. Celles du chat qui garde les moutons, du requin qui brille dans l'océan, de la pluie sur Vénus, de l'homme qui a trouvé un os de dinosaure dans son jardin, et 52 autres histoires. Une fois la 53e racontée, Oscar s'aperçoit que la tombe d'Edmond a triste mine. Avec ses fleurs toutes fanées, presque séchées, et leurs couleurs délavées, elle ressemble à un nuage d'orage. Ce jour-là, Oscar quitte son papy sans sourire, les mains enfoncées dans les poches et les sourcils froncés. Armand, le gardien du cimetière, l'interpelle. « T'as pas l'air dans ton assiette, Oscar, y a un souci ?»« Non, je sais pas. C'est la tombe d'Edmond, le voisin de papy Jacques, elle est si triste. Elle peut pas déjà être abandonnée comme l'ancienne. »« Va savoir, y avait personne à son enterrement. »« Hein ? Mais ça se peut pas. » »« Ça arrive quand les gens sont seuls. » Enfin, Monsieur Edmond a quand même eu cette couronne. Peut-être que sa famille ne pouvait pas venir. Mais c'est trop triste. Qui enverrait juste des fleurs ? J'en sais rien. Il y avait juste une carte où c'était marqué « Pour Edmond Frabouplet », sans le nom de l'expéditeur. Pendant la semaine qui suivit, Oscar eut une idée. Si personne ne venait voir Monsieur Edmond, alors il allait lui apporter un peu de compagnie. Le mercredi suivant, il s'installa devant la tombe de Papy Jacques et s'adressa aux deux hommes. « Papy Jacques, je pense que tu seras d'accord, mais j'aimerais bien aussi raconter mes histoires à Monsieur Edmond. Personne ne vient jamais le voir, alors bon... Bref, Monsieur Edmond, si vous aimez les histoires, ouvrez grand les oreilles. J'ai découvert l'histoire de Jadav Payang, un Indien qui a planté une forêt sur un gigantesque banc de sable, sans l'aide de personne. Ouais, vous avez bien entendu, une forêt. Ça a commencé en 1979, quand il avait 16 ans. La crue du fleuve avait rejeté un grand nombre de serpents sur le banc de sable. Faute d'arbres pour les protéger, les pauvres sont morts de chaleur. Payang était catastrophé par le spectacle. Il est allé voir le ministère des forêts et leur a demandé s'ils pouvaient planter des arbres. Mais ils lui ont ri au nez et lui ont répondu que personne ne l'aiderait, car rien ne pousserait là-bas, sauf peut-être des bambous. Et vous savez ce qu'a fait Payang ? Eh bien, il a tout quitté pour vivre sur le banc de sable et y planter des pousses de bambous. Matin et soir, il arrosait les plants et les taillait. Et au bout de quelques années, le banc de sable est devenu un bois de bambous. Ça lui a donné envie d'aller plus loin, en plantant de vrais arbres. Il en a ramassé et il les a plantés. Il a aussi rapporté des fourmis rouges de son village parce qu'en travaillant, elles transforment le sol et le rendent meilleur pour les animaux et la nature. 12 ans plus tard, l'endroit est devenu un paradis pour les oiseaux migrateurs et des espèces en voie de disparition. Et vous savez le truc le plus incroyable ? C'est que le ministère des forêts, ceux-là même qui lui avaient dit que le banc de sable était un coin de terre mort, eh bien, ils n'ont entendu parler de la forêt de Payang qu'en 2008, lorsqu'un troupeau d'une centaine d'éléphants sauvages s'y est réfugié, après avoir ravagé les villages voisins. Tout le monde voulait les tuer, mais Payang les a protégés. Ça a tellement impressionné les villageois que personne n'a osé les attaquer. Aujourd'hui, ça fait plus de 40 ans qu'il prend soin de sa forêt. On l'appelle même Forestman. La classe, non ? Après avoir raconté cette histoire à Monsieur Edmond et Papy Jacques, Oscar se sent léger et joyeux. Et ça lui donne envie de continuer. Une fois de plus, les histoires folles, mais vraies, fusent. Celle de l'homme qui a survécu à 2 bombes nucléaires. Celle du pigeon voyageur survivant de la guerre 14-18. Celle du premier marathon dans l'espace. Oscar est intarissable. Jusqu'à ce mercredi. Et c'est comme ça que j'ai appris que les limaces avaient un super pouvoir. Celui de se régénérer toute seule. Oh, c'est dingue, non ? Qu'est-ce que tu fabriques ? Surpris, Oscar rentre sa tête dans ses épaules et se retourne lentement. Il découvre un grand monsieur droit comme un lampadaire, un bouquet de fleurs jaunes, rouges et bleues dans les mains. Je raconte une histoire à Papy Jacques et à Monsieur Edmond. Tu connaissais mon père ? Ben non, je le connaissais pas. Alors pourquoi tu lui racontes des histoires ? Ben parce qu'il était tout seul. Personne ne venait le voir, alors je me suis dit que ça lui ferait peut-être plaisir de profiter des histoires que je raconte à Papy Jack. Ça m'étonnerait. Mon père détestait les histoires. Quoi ? Mais c'est pas possible, tout le monde aime les histoires. Pas mon père. Mais monsieur, pourquoi vous n'êtes jamais venu le voir ? J'habite loin. Et puis, on se parlait plus depuis longtemps. Alors, c'est pour ça que vous n'êtes même pas venu à l'enterrement ? Mais comment tu sais ça ? Ça m'inquiétait de voir la tombe à l'abandon, alors monsieur Armand me l'a dit. Mais heureusement, vous êtes revenu. Et vous aussi, vous allez pouvoir lui raconter des tas de trucs. C'est un peu tard. Je vois pas bien ce que je pourrais lui dire après tout ce temps. Ben, donnez-lui des nouvelles. Racontez-lui votre vie, je suis sûr qu'il n'attend que ça. Tu crois ? J'en suis certain. Et bon, je vous laisse. À bientôt, monsieur. Voilà les enfants, j'espère que l'histoire vous a plu. N'oubliez pas de nous mettre plein d'étoiles sur votre application de podcast et de nous envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou par mail. Ça nous donne plein de force pour la suite. N'hésitez pas non plus à parler des petites histoires à vos copines, à vos copains et pourquoi pas à votre maîtresse ou à votre maître pour occuper les temps calmes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.